suis né dans un monde pas normal, un monde qui me rend dingue. J'ai un cousin qui est mental, il se douche avec une seringue. Ma sœur accouche de bicéphale pour qu'il soit bien bilingue. C'est contagieux, encore un peu plus. Et je prenais le virus. Chaque fois que j'ouvre la bouche, il sort quelque chose de louche. Pam, pam, param, pa, pam, pam, param, pam. Yorle, yorle, yorle, yorle, yorle, yorle, yorle, yorle. Les 100 millions de petits chinois, ce n'est pas mon affaire. Et toi, et puis ta sœur, qu'allez-vous faire cet hiver? J'aime les fleurs vues par en dessous et les filles à mon cou. J'aime bien aussi les choses que je peux pas raconter ici. Et j'y pense et j'oublie pas, car je ne pense qu'à ça. Pam, pam, panam, pam, pam, pam, param, pam. Yorre, yorre, yorre, yorre, yorre, yorre, yorre, yorre. Et je retourne dans ma campagne avec mon piccolo. Je vais chanter dans la montagne pour mon ami Charlot. Assis dans mon chariot à bœuf, assis dans mon tombereau. Le derrière au sec et la tête au frais. Y'a plus que ça qui est vrai. Tout le reste c'est de la meringue. D'ailleurs moi ça me rend dingue. Pam, pam, param. Pam pam pam param pam. Yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle yorle.